La maison du corps diplomatique des Dongan à Pyongyang abritait le 12 un rendez-vous d'amitié à l'occasion du 25e anniversaire de la rencontre entre le président Kim Il-sung et l'ex-président du comité central du Parti révolutionnaire populaire Lao et ex-président laotien Kaesun Phonbyan, en nom commun du comité coréen de liaison culturelle avec l'étranger, de l'association d'amitié coréo-laotienne et de l'ambassade laotienne en Corée. Y ont figuré le vice-président de l'association d'amitié Park Yong-il, vice-président du comité coréen de liaison culturelle avec l'étranger, des cadres intéressés, des citadins, ainsi que l'ambassadeur laotien Pankam Intabwari et ses collaborateurs. À la suite des interventions, les participants ont vu le spectacle des enfants de l'école secondaire du premier cycle de Chongnyu d'amitié coréo-laotienne de l'arrondissement de Daedonggang. Après le rendez-vous, les membres de l'association d'amitié et les diplomates laotiens ont livré les matchs sportifs.